j'ai confiance en moi. Noyé dans la tendresse, je crois en toi, ouais. Parce que soudain, ouais, soudain tu es. Et tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Et alors pour moi c'est le jour J, un J comme joie, ah. C'est le jour J, ah. Un jour qui me va. C'est le jour J, ah. Un jour plein de vie. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh pour moi c'est le jour J. Si je t'accompagne un dimanche de mai, en pleine campagne, loin des indiscrets, oh, c'est finalement au dernier moment. Tu m'as dit oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh pour moi c'est le jour J. C'est le jour J, yeah. Un jour qui me va. C'est le jour J, yeah. Oh, oh, un jour plein de vie. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh pour moi c'est le jour J. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh pour moi c'est le jour J. Qu'est-ce que c'est que quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh pour moi c'est. C'est imbécile, c'est puéril ce que je dis. Mais j'ai quand même, je n'ai pas encore rencontré. Un argument sérieux m'interdise de faire ça. Know your man

meet her mama. Lap dance, get off me, mama. Good as she look, I know her daddy had a whole lot of fun. J'ai mon pain, reviens, reviens-moi, au soleil et dans mon foin. Le pain, le vin, le soleil et le foin sont quatre polissons qui disent ton nom. Reviens, reviens, dormir dans le foin. Maintenant j'ai du pain, je ne vole plus de faim. Reviens, reviens. Dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Le pain, le vin, le soleil et le foin sont seuls dans la maison qui porte ton nom. Reviens, reviens, dormir dans le foin, au soleil boire mon vin et partager mon pain. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Le soleil et le foin ne sont plus ce matin que souvenirs lointains. Reviens, reviens, dormir dans le foin, au soleil boire mon vin et partager mon pain. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer. Reviens, reviens, dormir dans le foin, partager mes hivers et traverser la mer.

want to make love to you. Oh, yeah. Maintenant, prenons l'hélicoptère pour aller assister à une corrida en Espagne.